te parle à toi, car qui que tu sois, tu sais de quoi je parle. Et tu as vécu ça, tu l'as rencontré. Un jour il t'a probablement blessé, peut-être même qu'il t'a déjà laissé pour mort. Tu as pleuré par sa faute car il est trop fort pour toi. Pour lui, t'aurais même tout sacrifié. Il s'acharne sur les hommes, Dieu seul sait pourquoi. Et ta naissance même marque son sacrifié, c'est impossible. Crois-moi, il vit au-dessus des lois, qu'elles soient divines ou pas, il se permet de les défier. Il crée tant de souffrance, bien qu'il soit bon en soi. Surtout ne lui fais pas confiance, tu dois t'en méfier. Il est notre force, notre faiblesse, crée du soutien comme de la haine, crée des efforts, de la noblesse. Mais si le désir te malmène, même si tu luttes contre toi-même, car il est maître de ton cœur. Et il est là, tout près de toi, dès que tu souffres à l'intérieur. Lovers from nowhere. Il est là, tout près de toi, dès que tu souffres à l'intérieur. In the air, the air. Quand l'amour touche à sa fin. It's flying. T'as causé discrètement, t'as pas choisi de l'épouser. Et ses griffes, c'est sur toi qu'il a choisi de les poser. Tu as succombé à son charme et ce contre ton gré. Et au fond de toi, tu sens grimper les degrés. Mais qu'il est plus là, toi tu n'en peux plus. Tu ne veux que lui, mais lui ne te veut plus. La flamme qui brûle en toi te consume. Elle transforme ton âme en poussière. Mon cœur est ton, ne peut plus être plus. Mais encore tu hurles car il brûle. L'odeur est ignoble, on se consume. Y'a comme une vapeur de douleur dans l'air. Et le parfum d'une poitrine qui se calcine est difficile à supporter. Tu pries pour que l'espoir te fascine. Mais rien n'y fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce si dur? Quoi que tu fasses, y'a rien à faire. Et la douleur perdure. Car à cause c'est discrètement d'avoir choisi de l'épouser. Mais ce griffe c'est sur toi qu'il a choisi de l'épouser. Tu as succombé à son charme et ce contre ton gré. Et au fond de toi tu sens grimper les degrés.